Le 11 mai, l'agence des revues centrales de Corée a rendu public son mémorandum sous le titre « Les actes terroristes d'État des États-Unis contre la Corée seront enregistrés dans l'histoire comme grande défaite sans précédent ». Le mémorandum rappelle que les États-Unis recourent aux pires actes terroristes d'État contre la Corée par tous les moyens, ce qui est sans précédent dans l'histoire, et que l'administration Trump, avec sa politique de pression suprême et d'ingérence vis-à-vis de la Corée, ose renforcer la pression politique, économique et militaire pour la suppression de la direction et le renversement du régime d'un État souverain et conspirer un complot terroriste d'État ouvert. Le mémorandum note que le complot terroriste d'État des États-Unis contre la dignité suprême coréenne, notre vie et notre destin, a mobilisé tous les militaires et civils à la bataille sacrée antiterroriste de justice pour ruiner les États-Unis, foyer du terrorisme. Sur ce, le mémorandum dénonce les crimes terroristes américains qui ont suscité la riposte antiterroriste sans discrimination de tous les militaires et civils coréens et souligne la justesse de notre choix d'autodéfense face à la situation. Pour terminer, le mémorandum souligne « La victoire de notre attaque antiterroriste est assurée par l'unité monolithique de tous les militaires et civils pour la sauvegarde de la souveraineté, les moyens d'attaque de pointe développés par les sciences techniques dernier cri et les forces fin prêtes. Nous ne resterons pas les bras croisés devant la grave situation où les actes anti-nord-coréens et le terrorisme d'État des forces hostiles contre la Corée s'orientent finalement vers l'unification de régime par la création d'un événement de changement subi et nous renforcerons toujours la dissuasion de guerre autodéfensive. »